Chapitre 13e, ce qu'était devenu Sébastien. Le premier sentiment d'André en apercevant Gilbert fut non seulement une terreur profonde, mais encore une répugnance invincible. Pour elle, le Gilbert américain, le Gilbert de Washington et de Lafayette, aristocratisé par la science, par l'étude et par le génie, était toujours ce misérable petit Gilbert, gnome terreux, perdu dans les massifs de Trianon. Au contraire, de la part de Gilbert, il y avait pour André, malgré les mépris, malgré les injures, malgré les persécutions même de celle-ci, non plus cet amour ardent qui avait fait commettre un crime au jeune homme, mais cet intérêt tendre et profond qui eût poussé l'homme à lui rendre un service même au péril de sa vie. C'est que, dans ce sens intime dont la nature avait doué Gilbert, dans cette justice immuable qu'il avait reçue de l'éducation, il s'était jugé lui-même. Il avait compris que tous les malheurs d'André venaient de lui, et qu'il ne serait quitte envers elle que lorsqu'il lui aurait rendu une somme de félicité égale à la somme d'infortune qu'elle lui devait. Or, en quoi et comment Gilbert pouvait-il, d'une façon bienfaisante, influer sur l'avenir d'André? C'est ce qu'il lui était impossible de comprendre. En retrouvant donc cette femme, qu'il avait vue en proie à tant de désespoir, en proie à un désespoir nouveau, tout ce qu'il y avait de fibres miséricordieuses dans son cœur s'émut pour cette grande infortune. Aussi, au lieu d'user subitement de cette puissance magnétique dont une fois déjà il avait fait l'essai sur elle, il essaya de lui parler doucement, quitte, s'il trouvait André rebelle, comme toujours, à revenir à ce moyen correctif qui ne pouvait lui échapper. Il en résulta qu'André, enveloppé tout d'abord du fluide magnétique, sentit que peu à peu, par la volonté, et nous dirons presque avec la permission de Gilbert, ce fluide se dissipait, pareil à un brouillard qui s'évapore, et qui permet aux yeux de plonger dans de lointains horizons. Ce fut elle la première qui prit la parole. « Que me voulez-vous, monsieur ? » dit-elle. « Comment êtes-vous ici ? Par où êtes-vous venu ? » ?»« Par où je suis venu, madame ? » répondit Gilbert. « Par où je venais autrefois. » »« Ainsi, soyez donc tranquille. Personne ne soupçonne ma présence ici. »« Pourquoi je suis venu ? » ?»« Je suis venu parce que j'avais à vous réclamer un trésor, indifférent à vous, précieux à moi, mon fils. » « Ce que je vous veux, je veux que vous me disiez où est ce fils, que vous avez entraîné à votre suite, emporté dans votre voiture et amené ici. »« Ce qu'il est devenu, » reprit André, « le sais-je, il m'a fui. Vous l'avez si bien habitué à haïr sa mère. »« Sa mère, madame, êtes-vous réellement sa mère ?»« Oh !» s'écria André, « il voit ma douleur, il a entendu mes cris, il a contemplé mon désespoir, il me demande si je suis sa mère. » Alors vous ignorez donc où il est. Mais puisque je vous dis qu'il a fui, qu'il était dans cette chambre, que j'y suis rentré, croyant le rejoindre, et que j'ai trouvé cette fenêtre ouverte et la chambre vide. Mon Dieu, s'écria Gilbert, où sera-t-il allé? Le malheureux ne connaît point Paris, et les minuits passées. Oh, s'écria à son tour André en faisant un pas vers Gilbert, croyez-vous qu'il lui soit arrivé malheur? C'est ce que nous allons savoir, dit Gilbert, c'est ce que vous allez me dire. Et il étendit la main vers André. « Monsieur, monsieur !» s'écria-t-elle en reculant pour se soustraire à l'influence magnétique. « Madame, » dit Gilbert, « ne craignez rien. C'est une mère que je vais interroger sur ce qu'est devenu son fils. Vous m'êtes sacré. » André poussa un soupir et tomba sur un fauteuil en murmurant le nom de Sébastien. « Dormez, » dit Gilbert, « mais tout endormi que vous êtes, voyez par le cœur. »« Je dors, » dit André. « Dois-je employer toute la force de ma volonté ?» demanda Gilbert. « Ou êtes-vous disposé à répondre volontairement ?»« Direz-vous encore à mon enfant que je ne suis pas sa mère ?»« C'est selon. L'aimez-vous ?»« Oh, il demande si je l'aime. Cet enfant de mes entrailles. Oh oui, oui, je l'aime, et ardemment. »« Alors, vous êtes sa mère, comme je suis son père, madame, puisque vous l'aimez comme je l'aime. »« Ah !» fit André en respirant. « Ainsi, dit Gilbert, vous allez répondre volontairement. Me permettrez-vous de le revoir quand vous l'aurez retrouvé? Ne vous ai-je pas dit que vous étiez sa mère, comme j'étais son père? Vous aimez votre enfant, madame, vous reverrez votre enfant. »« Merci, » dit André avec une indicible expression de joie, et en frappant ses mains l'une contre l'autre. « Maintenant, interrogez. »« Je vois. Seulement... »« Quoi ? Suivez-le depuis son départ, afin que je sois plus sûr de ne pas perdre sa trace. Soit. Où vous a-t-il vu? Dans le salon vert. Où vous a-t-il suivi? À travers les corridors. Où vous a-t-il rejointe? Au moment où je montais en voiture. Où l'avez-vous conduit? Dans le salon à côté. Où s'est-il assis? Près de moi, sur le canapé. Y est-il resté longtemps? Une demi-heure à peu près. Pourquoi vous a-t-il quitté? Parce que le bruit d'une voiture s'est fait entendre. Qui était dans cette voiture? André hésita. Qui était dans cette voiture? Répéta Gilbert d'un ton plus ferme et avec une volonté plus forte. Le comte de Charny. Où avez-vous caché l'enfant? Je l'ai poussé dans cette chambre. Que vous a-t-il dit en y entrant? Que je n'étais plus sa mère. Et pourquoi vous a-t-il dit cela? André se tut. Et pourquoi vous a-t-il dit cela? Parlez, je le veux. Parce que je lui ai dit. Que lui avez-vous dit? Parce que je lui ai dit. André fit un effort. Que vous étiez un misérable et un infâme. Regardez au cœur du pauvre enfant, madame, et rendez-vous compte du mal que vous lui avez fait. Oh mon Dieu, murmura André. Pardon, mon enfant, pardon. Monsieur de Charny, se doutait-il que l'enfant fût ici? Non. Vous en êtes sûr? Oui. Pourquoi n'est-il pas resté? Parce que Monsieur Charny ne reste pas chez moi. Que venait-il y faire alors? André demeura un instant pensive, les yeux fixes, comme si elle essayait de voir dans l'obscurité. Oh, dit-elle, mon Dieu, Olivier, chez Olivier! Gilbert la regarda avec étonnement. Oh, malheureuse que je suis, murmura André. Il revenait à moi. C'était pour rester près de moi qu'il avait refusé cette mission. Il m'aime, il m'aime. Gilbert commençait à lire confusément dans ce drame terrible où son œil pénétrait le premier. Et vous, demanda-t-il, l'aimez-vous? André soupira. L'aimez-vous? Répéta Gilbert. Pourquoi me faites-vous cette question? Demanda André. Lisez dans ma pensée. Ah oui, je le vois. Votre intention est bonne. Vous voudriez me rendre assez de bonheur pour me faire oublier le mal que vous m'avez fait. Mais je refuserais le bonheur s'il devait me venir par vous. Je vous hais et veux continuer de vous haïr. Pauvre humanité, murmura Gilbert, t'es-il donc départi une si grande somme de félicité que tu puisses choisir ceux dont tu dois la recevoir? Ainsi vous l'aimez, ajouta-t-il. Oui. Depuis quand? Depuis le moment où je l'ai vu. Depuis le jour où il est revenu de Paris à Versailles, dans la même voiture que la reine et moi. Ainsi vous savez ce que c'est que l'amour, André? Murmura tristement Gilbert. Je sais que l'amour a été donné à l'homme, répondit la jeune femme, pour qu'il ait la mesure de ce qu'il peut souffrir. C'est bien, vous voilà femme, vous voilà mère. Diamant brut, vous vous êtes enfin façonné aux mains de ce terrible lapidaire qu'on appelle la douleur. Revenons à Sébastien. Oui, oui, revenons à lui. Défendez-moi de penser à Monsieur de Charny. Cela me trouble, et au lieu de suivre mon enfant, je suivrai peut-être le comte. C'est bien. Épouse, oublie ton époux. Mère, ne pense qu'à ton enfant. Cette expression de moite douceur qui s'était un instant emparée non seulement de la physionomie, mais encore de toute la personne d'André, disparut pour faire place à son expression habituelle. Où était-il pendant que vous causiez avec Monsieur de Charny? Il était ici, écoutant là, là, à la porte. Qu'a-t-il entendu de cette conversation? Toute la première partie. À quel moment s'est-il décidé à quitter cette chambre? Au moment où Monsieur de Charny... André s'arrêta. Au moment où Monsieur de Charny... répéta impitoyablement Gilbert. Au moment où Monsieur de Charny, m'ayant baisé la main, je jetai un cri. Vous le voyez bien, alors? Oui, je le vois avec son front plissé, ses lèvres crispées, et un de ses poings fermés sur sa poitrine. Suivez le nombre des yeux, et à partir de ce moment, ne soyez plus qu'à lui et ne le perdez pas de vue. Je le vois, dit André. Que fait-il? Il regarde autour de lui pour voir s'il n'existe pas une porte donnant sur le jardin. Puis, comme il n'en voit pas, il va à la fenêtre, l'ouvre, jette une dernière fois les yeux du côté du salon, franchit l'appui de la fenêtre et disparaît. Suivez-le dans l'obscurité. Je ne puis pas. Gilbert s'approcha d'André et passa la main devant ses yeux. « Vous savez bien qu'il n'y a pas de nuit pour vous, » dit-il. « Voyez. »« Ah ! » Le voici courant par l'allée qui longe le mur. Il gagne la grande porte, l'ouvre sans que personne le voie, s'élance vers la rue Plâtrière. « Ah ! » Il s'arrête, il parle à une femme qui passe. « Écoutez bien, » fit Gilbert, « et vous entendrez ce qu'il demande. »« J'écoute. » Et que demande-t-il ? Il demande la rue Saint-Honoré. Oui, c'est là que je demeure. Il sera rentré chez moi. Il m'attend, pauvre enfant. André secoua la tête. Non, dit-elle avec une expression visible d'inquiétude. Non, il n'est pas rentré. Non, il n'attend pas. Mais où est-il alors ? Laissez-moi donc le suivre, ou je vais le perdre. Oh, suivez-le ! Suivez-le ! S'écria Gilbert, comprenant qu'André devinait quelque malheur. « Ah ! » dit-elle, « je le vois, je le vois. »« Bien. » »« Le voici qui entre dans la rue de Grenelle. »« Le voici qui entre dans la rue Saint-Honoré. » »« Il traverse, toujours courant, la place du Palais-Royal. » »« Il demande de nouveau son chemin. » »« De nouveau, il s'élance. » »« Le voici à la rue Richelieu. » »« Le voici à la rue des Fondeurs. » »« Le voici à la rue Neuf-Saint-Roch. » »« Arrête-toi, enfant. Arrête-toi, malheureux. » Sébastien, Sébastien, ne vois-tu pas cette voiture qui vient par la rue de la Sourdière ? Je la vois, moi, je la vois, les chevaux, ah ! André jeta un cri terrible, se dressa tout debout, l'angoisse maternelle peinte sur son visage roulait à la fois, en larges gouttes, la sueur et les larmes. Oh ! S'écria Gilbert, s'il lui arrive malheur, souviens-toi que ce malheur retombera sur ta tête. Ah ! Fit André, respirant sans écouter. Sans entendre ce que disait Gilbert. « Ah, Dieu du ciel, soyez loué !» Le poitrail du cheval l'a heurté. Il l'a jeté de côté, hors du rayon de la roue. Le voici là, tombé, étendu sans connaissance. Mais il n'est pas mort. Oh non, non, il n'est pas mort. Évanoui, évanoui seulement. Du secours, c'est mon enfant, c'est mon enfant !» Et avec un cri déchirant, André retomba presque évanouie elle-même sur son fauteuil. Quel que fût le désir de Gilbert d'en savoir davantage, il accorda à André haletante ce repos d'un instant dont elle avait un grand besoin. Il craignait qu'en la poussant plus loin, une fibre ne se rompît dans son cœur, aucune veine n'éclata dans son cerveau. Mais dès qu'il pensa pouvoir l'interroger sans danger, « Eh bien ? » lui demanda-t-il. « Attendez, attendez !» répondit André. Il s'est fait un grand cercle autour de lui. « Oh, par grâce, laissez-moi passer, laissez-moi voir. C'est mon fils, c'est mon Sébastien. Oh, mon Dieu, n'y a-t-il pas, parmi vous tous, un chirurgien ou un médecin ?»« Oh, j'y cours !» s'écria Gilbert. « Attendez !» dit encore André, l'arrêtant par le bras. « Voici la foule qui s'écarte. Sans doute, c'est celui qu'on appelle. Sans doute, c'est celui qu'on attend. Venez, venez, monsieur. Voyez bien qu'il n'est pas mort. Vous voyez bien qu'on peut le sauver. » Et poussant une exclamation qui ressemblait à un cri d'effroi. « Oh ! » s'écria-t-elle. « Qu'y a-t-il, mon Dieu ? » demanda Gilbert. « Je ne veux pas que cet homme touche mon enfant !» cria André. « Ce n'est pas un homme, c'est un nain, c'est un gnome. C'est un vampire ! Oh, hideux, hideux !»« Madame, madame !» murmura Gilbert tout frissonnant. « Au nom du ciel, ne perdez point Sébastien de vue !»« Oh ! » répondit André, l'œil fixe, la lèvre frémissante. Le doigt tendu. Soyez tranquille. Je le suis. Je le suis. Qu'en fait-il, cet homme ? Il l'emporte. Il remonte la rue de la Sourdière. Il entre à gauche dans l'impasse Saint-Hyacinthe. Il s'approche d'une porte basse restée entr'ouverte. Il la pousse, il se courbe, il descend un escalier, il le couche sur une table où il y a une plume, de l'encre, des papiers manuscrits et imprimés. Il lui ôte son habit. Il relève sa manche. Il lui serre le bras avec des bandes que lui apporte une femme sale et hideuse comme lui. Il ouvre une trousse. Il en tire une lancette. Il va le saigner. « Oh, je ne veux pas voir cela. Je ne veux pas voir le sang de mon fils. »« Eh bien, le remonter, » dit Gilbert, « et compter les marches de l'escalier. »« J'ai compté. Il y en a 11. »« Examinez la porte avec soin, et dites-moi si vous y voyez quelque chose de remarquable. »« Oui, un petit jour carré fermé par un barreau en bois. » « C'est bien. Voilà tout ce qu'il me faut. Courez, courez, et vous le retrouverez où j'ai dit. Voulez-vous vous réveiller tout de suite et vous souvenir? Voulez-vous ne vous réveiller que demain matin et avoir tout oublié? Réveillez-moi tout de suite et que je me souvienne. » Gilbert passa, en suivant leur courbe, ses deux pouces sur les sourcils d'André, lui souffla sur le front et prononça ces seuls mots. « Réveillez-vous. » Aussitôt, les yeux de la jeune femme s'animèrent. Ses membres s'assouplirent. Elle regarda Gilbert presque sans terreur et continuant, éveillée, les recommandations de son sommeil. « Oh, courez, courez, » dit-elle, « et tirez-le des mains de cet homme qui me fait peur. »